fami, ou ka oubliye zami. Ou pa vle pou moun pale, ou an chere ou eme. Sou te pe monte dans ciel, ou dekouche la lune pou oi. Ou pa vle pou moun pale, ou an chage ou eme.